J'avancerai au hasard en fermant les yeux. En fermant les yeux pour ne pas me laisser distraire par les objets qui m'entourent. Et d'éviter d'y faire l'inventaire. En fermant les yeux, en regardant de l'autre côté, et laisser sortir la voix la laisser se dérouler lentement, j'imagine, sans trop la contrarier. En fermant les yeux, et de l'autre côté, où il ne se passe pas grand-chose, avec le risque de s'endormir, avec le risque de s'y perdre à l'intérieur, de se laisser fasciner par une autre voix. Une voix silencieuse, une voix silencieuse qui me berce, qui me berce dans un flot d'images, de scènes, de petites histoires que je me raconte. Souvent, quand je suis allongé, le soir, la nuit, avant de m'endormir, ou l'après-midi, à l'heure de la sieste, sans forcément dormir, en fermant les yeux, fermant les yeux de l'autre côté, j'imagine de petites choses qui me bercent. M'étourdissent. Des petites histoires qui me rassurent, très transparentes, les petites histoires, lointaines aussi. Qui me berce et qui me hante. De temps en temps, de petites choses cruelles que nourrissent mes peurs. Petit monologue qui mène au pire. Seulement à l'intérieur, en silence. Pas même de bruit. Pas même des tragédies, des petits riens cruels qui me torturent. Comme les enfants qui jouent avec leurs peurs. Qui vérifient, qui engendrent leurs limites, ça se passe avant de rêver. Ça se raconte avant de s'évanouir. Et de perdre le contrôle. De petites scènes. Des marionnettes. Et les décors que je change à ma guise. je ne les porte, pour ainsi dire, jamais au monde. Je les garde en moi en fermant les yeux. De l'autre côté, cette petite voix silencieuse qui me prend dans ses bras. Qui ne m'amène pas dehors, dans les parcs, dans la forêt, au bord de la mer. Je cherche à dire que je cherche à dérouler devant moi comme un tapis qui me signalerait le chemin. Le grand chemin du dehors, avec le monde de chaque côté, comme une allée. Et elle ne se laisse pas faire, cette petite voix silencieuse, ni même accaparée. Ne se laisse pas enrober, ni enchanter. Dans le lointain, de l'autre côté, quand je ferme les yeux, et je cours après elle. Quand je suis allongé dans un lit, en fermant les yeux, la nuit, le jour, quand je passe de l'autre côté, cet enchanteur. Et j'aimerais avoir la force, une fois les yeux ouverts, d'arriver à enchanter ce qui m'entoure, à parer de couleurs le grand dehors. En lui racontant, moi aussi, de petites choses. De petites histoires. Pour me rassurer, quand je ne suis pas de l'autre côté, quand la petite voix silencieuse